Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, il était une fois dans l'ouest de Paris, au royaume des Balkany. Cette histoire, c'est celle des démêlés judiciaires à répétition et des soupçons qui pèsent sur un couple d'élus de la République, en l'occurrence dans les Hauts-de-Seine. Ce couple, ce sont les élus Balkany, Patrick et Isabelle, qui depuis près de 30 ans ont fait main basse sur la ville de Levallois-Perret, pour le meilleur parfois, pour le pire souvent. Figure indéboulonnable de la politique levalloisienne, leur histoire pourrait faire l'objet d'un roman policier, tant elle regorge d'éléments troublants et tant gravite autour d'eux le trouble de la suspicion. Et c'est d'ailleurs à l'occasion de leur procès qui se déroule en ce moment même que nous vous proposons cette rediffusion. Oui, procès au pluriel. Après la faute fiscale, la semaine dernière, la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris s'occupe depuis hier du cas des Balkany pour blanchiment et corruption. C'est le gros morceau de cette explication finale. Le jugement sera rendu le 13 septembre prochain. Notre invité aujourd'hui, Mathieu Delahousse, grand reporter, spécialiste des affaires judiciaires. D'ailleurs, il couvre les procès Balkany. Puis vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo, qui a assisté au conseil municipal de Levallois. C'était le 28 septembre 2015, à l'occasion de la première diffusion de cette émission. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA. Préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio et Fabrice Lègle. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Village de Giverny, département de l'Eure, nous sommes au mois de janvier 2014. C'est ici, en Normandie, à 75 km dans le nord-ouest de Paris, fief historique de Claude Monet et des impressionnistes, que se rendent les officiers de la police judiciaire. Mandatés par les juges du pôle financier du parquet de la capitale, ils ont rendez-vous ce matin-là avec les gendarmes pour effectuer la perquisition d'une grande demeure en périphérie de la commune de Giverny. Le moulin de Cossy, c'est son nom, est un vaste domaine de près de 4 hectares, traversé par une rivière, composé de plusieurs bâtiments d'époque, dont un ancien moulin transformé en résidence de luxe. Sur les photos aériennes, l'ensemble profite d'une multitude d'équipements haut de gamme, avec pas moins de 2 piscines, un terrain de tennis, un green, une salle de gymnastique, des atouts qui en font dans la région un palais plus impressionnant qu'impressionniste. Une fois le portail ouvert, les policiers entrent dans l'immense propriété. Première impression, les pelouses et sculptures florales sont parfaitement taillées et entretenues, signe que la demeure n'est pas laissée à l'abandon. Autre élément intéressant qui confirme que quelqu'un réside bien là, les voisins affirment que voir plusieurs véhicules vont et viennent en journée, dont une Citroën CI noire aux vitres fumées qui arriverait le soir et repartirait tôt le matin. Un détail qui, on va le voir, est loin d'être négligeable. Après avoir fait le tour des bâtiments du domaine, près de 1300 mètres carrés habitables, les policiers pénètrent dans la maison principale, le moulin rénové. En ouvrant la porte, les enquêteurs constatent que son ou ses résidents ont un goût prononcé pour le luxe. Et très vite, ils comprennent qu'ils ont mis les pieds dans une véritable caverne d'Ali Baba. En effet, dans les couloirs, entre les trophées de chasse, le mobilier Louis XVI et les statuettes hindoues, ils découvrent plusieurs toiles de maître signées Picasso, Miro ou encore Raoul Dufy, dont certaines sont posées par terre, encore emballées dans du papier à bulles. Des toiles dont le prix pourrait dépasser plusieurs millions d'euros. Un budget auquel il faut ajouter une trentaine de montres de collection retrouvées cachées dans le coffre-fort du moulin. En tout état de cause, ceux qui habitent là roulent sur l'or. Les résidents, justement. Eh bien, ce sont eux qui intéressent la justice, et plus particulièrement les juges Van Ruinbeck et Simon. Voilà plusieurs mois qu'ils enquêtent entre Paris, Giverny, Saint-Martin dans les Antilles et Marrakech sur l'extravagant train de vie et l'incroyable patrimoine d'un couple d'élus bien connus du département des Hauts-de-Seine et plus particulièrement de la commune de Levallois-Perret. Un couple soupçonné de pratiquer l'évasion fiscale et la sous-évaluation de patrimoine. Des soupçons qui vont se concrétiser, déboucher sur une information judiciaire quelques semaines plus tard. Nous sommes alors au mois de mai 2014. France Inter. Deux jours de garde à vue et au bout, une mise en examen. La première adjointe et épouse du maire de Levallois-Perret, Isabelle Balkany, est donc soupçonnée de blanchiment de fraude fiscale. Son mari, le député maire UMP, Patrick Balkany, est pour l'instant à l'abri grâce à son immunité parlementaire, mais il pourrait bientôt être convoqué par la justice. Sarah Guibaudot. Au cœur de l'enquête, une villa de luxe sur l'île de Saint-Martin et un riad à Marrakech. Officiellement, quand Patrick et Isabelle Balkany y passent leurs vacances, ils sont locataires. Mais la justice les soupçonne d'en être propriétaires, bien cachés derrière des prête-noms et des sociétés basées dans des paradis fiscaux. Bienvenue à l'hôtel de ville de Levallois. À la mairie de Levallois-Perret, le lendemain, l'ambiance est loin d'être à la fête. Comme chaque matin, c'est une Citroën C6 noire aux vitres fumées, celle-là même décrite par les voisins du moulin de Giverny, qui vient déposer monsieur le maire, Patrick Balkany, et madame la première adjointe, sa femme, Isabelle Balkany. Les journalistes sont là pour tenter de recueillir une réaction des deux principaux intéressés. Mais sans livrer le moindre commentaire et en esquivant le cadre des caméras, le couple Balkany s'engouffre dans l'hôtel de ville et part rejoindre ses bureaux. La veille, l'affaire a connu un tournant décisif avec les aveux d'Isabelle Balkany. Face au magistrat, détenteur, il est vrai, d'éléments accablants, elle n'a pas pu nier la réalité des faits. Parmi ceux-là, des relevés bancaires et la déclaration de revenus du couple. Deux éléments qui laissent apparaître une énorme incohérence dès lors qu'on les confronte. Lorsque le couple Balkany déclare au fisc 145 000 euros de revenus nets, le débit de leur carte bancaire dépasse les 360 000 euros. Les Balkany sont donc en mesure de dépenser deux fois plus que ce qu'ils ne gagnent. Alors les juges ont levé le voile sur un pactole d'un peu plus de 5 millions d'euros discrètement épargnés sur des comptes bancaires dissimulés à l'étranger. Horriblement classique. Prise la main dans le sac, ou plutôt fausse déclaration à l'appui, Isabelle Balkany finit par reconnaître face au juge qu'elle a oublié de déclarer une partie de son patrimoine, dont une villa sur l'île de Saint-Martin aux Antilles, et que oui, elle est bien titulaire d'importantes sommes d'argent domiciliées sur des comptes à l'étranger qui n'ont jamais été déclarés au fisc. Pour sa ligne de défense, la première adjointe au maire de Levallois plaide une banale erreur d'appréciation suite à un héritage de famille. Une erreur banale qui a tout de même permis au couple d'échapper à l'impôt sur la fortune pendant près de 20 ans. Jointe par téléphone par des journalistes de France 2, Isabelle Balkany se défend pourtant de tout enrichissement personnel dans le cadre de ses fonctions à la mairie. Oui, on a une maison à Giverny depuis 30 ans. Oui, c'est vrai. Et on en a fait donation à nos enfants, pas pour échapper au fisc. S'il y a des gens qui ont des questions à nous poser, nous les répondrons, mais pas les journalistes. C'est notre vie privée. La transparence, moi j'en ai marre. Ça suffit, c'est quoi ça? On est obligé de répondre aux journalistes? Vous êtes quoi? Vous êtes des auxiliaires de police, des auxiliaires de justice maintenant? Ça va! Alors je vais vous dire une chose. On aura commencé la politique beaucoup plus riche qu'on ne la finira. On va pas s'excuser d'être né avec une cuillère en argent dans la bouche, j'y peux rien. On a eu des pères avant nous qui ont beaucoup travaillé et qui nous ont laissé du patrimoine. Convoqué à son tour par le pôle financier du parquet de Paris au mois d'octobre 2014, le principal intéressé de toute cette affaire, Patrick Balkany, est également mis en examen. Au menu, blanchiment de fraude fiscale et corruption, deux notions intimement liées. Deux graves accusations, quoi qu'il en soit, pour un élu de la République. Cette procédure des juges Van Ruynbeck et Simon repose sur plusieurs témoignages concordants, ainsi que sur des éléments fournis par la cellule Tracfin, l'organisme anti-blanchiment de Bercy. Des éléments qui ont permis aux juges de remonter le schéma sophistiqué de la fraude organisée par les époux Balkany. Une fraude dissimulée de nombreuses années grâce à une multitude de sociétés écrans et de comptes offshore, grâce à des prête-noms et à l'usage de la légation de leurs biens, mais aussi par un astucieux subterfuge d'optimisation fiscale. Les Balkany sont en effet considérés séparés de corps et de biens depuis 1996 auprès du fisc. Malgré tous ces éléments qui semblent le confondre, Patrick Balkany s'enferme dans le déni et, fidèle à lui-même, à sa sortie du pôle financier, il n'hésite pas à afficher sa sérénité face aux journalistes. Est-ce que j'ai l'air de me sentir mal? Pose la question. Vous savez, quand on n'a rien à se reprocher, on se sent bien. Maintenant, qu'ils fassent leur enquête, ça durera, mais moi j'ai rien à me reprocher. Mais derrière ce dossier d'évasion fiscale, ce qui intéresse les enquêteurs, c'est de savoir si oui ou non, les Balkany ont profité de leur fonction à la mairie pour s'enrichir personnellement. car ce n'est pas la première fois que ce couple d'élus aux envolées lyriques, parfois hautes en couleur, défraient la chronique judiciaire et font face à de graves accusations qui entremêlent les intérêts privés et publics. Globalement, les Balkany nous apparaissent comme les personnages principaux d'une histoire sans épilogue qui a débuté il y a 32 ans. L'histoire entre le couple Balkany et la commune de Levallois-Perret commence au soir du 6 mars 1983, lorsqu'à la surprise générale, le jeune et ambitieux candidat parachuté par le RPR, Patrick Balkany, remporte au premier tour les élections municipales et s'installe dans la foulée à l'hôtel de ville de Levallois. Pour le clan de Charles Pasqua, dont Balkany est l'un des plus fidèles lieutenants, la victoire est totale dans la stratégie de conquête du 92, les Hauts-de-Seine. Levallois-Perret était jusqu'alors l'un des bastions de ce qu'on appelait la ceinture rouge, administrée par les communistes. Mais ce qui d'emblée retient l'attention dans cette victoire par les urnes, ce sont les méthodes électorales employées par le couple Balkany, comme l'expliquera bien plus tard Didier Schuller, à l'époque fidèle conseiller et proche du couple. Le couple Balkany, c'était un peu la tête et les jambes. Lui, il aimait être au contact des gens et elle, Isabelle, s'occupait de toute la partie intellectuelle, donc des textes. Leur fonctionnement était déjà parfaitement rodé. Seulement, quand Patrick s'est retrouvé parachuté à Levallois-Perret, c'était pas gagné. Le maire communiste, parfait gens, semblait indéboulonnable. Du coup, il a fallu innover dans l'approche des gens. C'est pourquoi, au tout début de la campagne, les Balkany ont créé une espèce de mairie bis, une structure parallèle. À partir de la permanence RPR de la rue Trébois, ils ont organisé des activités sociales. Ils louaient des cars pour emmener les personnes âgées, visiter des trucs en dehors de la ville, ils organisaient des goûters et des bals dansants. Les vieux, au niveau électoral, c'est le vrai vivier, parce que eux, ils votent. Ils sont reconnaissants, ils sont sensibles. En langage politique, cette méthode s'appelle aussi du clientélisme, particulièrement vivace dans les Hauts-de-Seine, car elle va être régulièrement utilisée par les candidats de droite pour faire basculer les villes de gauche. Autre élément intrigant, l'argent, nerf de la guerre, qui a servi à financer toute cette campagne électorale. Sur ce point, Didier Schuller fournit de très surprenantes explications. Pour arriver à ce que cela marche, on dépensait des fortunes. Les Balkany ont investi leur patrimoine personnel. Il faut dire qu'ils venaient tous les deux d'un milieu très aisé. Isabelle, elle, avait beaucoup d'argent, hérité de sa famille, les Smadja. Patrick, lui, n'était pas pauvre non plus. Son père avait créé la chaîne de magasins de prêt-à-porter Réti. Ils ont mis énormément d'argent sur la table, au point que Patrick m'avait dit n'avoir plus un rond à la fin. Mais malgré tout, cela ne suffisait pas à combler les besoins. Aussi, c'est moi qui nous ai trouvé un soutien pour financer la campagne, par le biais d'un de mes amis, promoteur en Sologne. Il a investi sans compter parce qu'il s'est dit que si Patrick était élu, il lui renverrait l'ascenseur. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé juste après la victoire. Mon ami promoteur a récolté un paquet de contrats pour des chantiers. Dans ces années-là, aucune loi n'encadrait le financement des partis politiques, donc ce que nous faisions n'avait rien d'illégal, et d'ailleurs, tout le monde le faisait. C'était le meilleur moyen d'inverser la balance. Quelques mois seulement après sa prise de fonction, Patrick Balkany enfile les habits d'un maire bâtisseur. Et Levallois-Perret devient son chantier, celui où toutes les bonnes affaires sont possibles pour le BTP, où il fait bon être ami avec le maire pour obtenir de juteux contrats. L'objectif de tous ces travaux, c'est de transformer et moderniser la commune, jusqu'alors populaire et ouvrière, avec ses usines, manufactures et entrepôts, histoire d'en faire le pendant de sa voisine Neuilly-la-Bourgeoise. Ainsi, des quartiers entiers sont rasés et cédés à des prix très bas, pour le plus grand régal des promoteurs immobiliers qui édifient de nouveaux immeubles de bureaux ou des quartiers résidentiels destinés à une population plus aisée et donc, on peut le penser, plus à droite. Le prix du mètre carré, lui, s'envole pour atteindre des sommets. Toutefois, Patrick Balkany se montre précautionneux avec les populations des quartiers populaires à qui il offre de nouvelles crèches, des écoles et des espaces verts, un moyen classique pour s'assurer du soutien de sa population. Mais très vite, derrière cette folle dynamique de construction, de modernisation et de remodelage de la ville, la justice s'alerte des étonnants procédés qu'aurait utilisé ce maire bâtisseur. Dès la fin des années 80, les premiers soupçons apparaissent dans l'attribution des marchés. Des soupçons qui touchent directement le couple Balkany, accusé d'avoir bénéficié d'une remise de 50% sur le prix d'achat d'un appartement, par exemple un luxueux duplex de 500 m² dans un immeuble face à la mairie, en échange d'un arrangement avec un promoteur immobilier. Une affaire classée sans suite, pourtant, faute de preuves, contre l'élu. Mais il apparaît également que dans la boutique de l'hôtel de ville se concocteraient des transactions pas forcément très nettes. Un sentiment renforcé au même moment par la découverte d'un vaste réseau de fausses factures en Île-de-France qui touche directement le secteur de la construction. Et parmi les villes, où justement les entreprises de travaux publics se régalent, il y a Levallois-Perret. Côté court, la Cogedim, une affaire prospère qui s'affiche en double page dans les journaux. Sans prétention, elle annonce Cogedim, première marque de l'immobilier en France. Côté jardin, cette société, filiale de la Banque Paribas, est depuis plusieurs mois dans le collimateur de la justice et du canard enchaîné. À l'origine de ces ennuis, cette zone front de Seine, située à Levallois. Ce terrain a été racheté à Citroën par la mairie pour y construire 4500 logements et 280 000 m² de bureaux. En novembre 87, la Semarelp, société d'économie mixte de la ville de Levallois, effectue des travaux de démolition. Deux mois plus tard, la Cogedim commande de nouveau ces mêmes travaux. La CTMT en est chargée, le mécanisme des fausses factures s'enclenche, les 3 millions de francs prévus pour ces travaux, déjà réalisés, atterrissent dans un bureau d'études. Le tour est joué. Mais où est passé l'argent ? Le cas de la Cogedim et du projet de la ZAC du Front de Seine viennent mettre en lumière les pratiques d'une mairie où les responsables communaux déterminent eux-mêmes l'attribution des terrains via leur opaque structure, la Semarlep, administrée par la première adjointe au maire, Isabelle Balkany. Conflit d'intérêts ? En tout cas, pour l'opposition communale, ces affaires sont comme du pain béni à l'approche des élections de 1995. Et parmi ceux qui vont profiter à fond du filon, il y a le candidat de droite, Olivier de Chazeau, qui ne va avoir de cesse de dénoncer le train de vie du maire sortant et de son goût prononcé pour les dépenses dans des projets aussi faramineux que ruineux pour la commune. Une campagne qui va porter ses fruits et aboutir à la surprise générale au début de la fin de l'hégémonie des Balkany. Le soir des élections municipales de 1995, l'ambiance est tendue à Levallois. Balkany est conduit. Ce premier revers est une douche froide pour le clan Balkany qui paraissait jusqu'alors locataire à vie de l'hôtel de ville. D'autant que le nouveau maire, Olivier de Chazeau, va porter sur la place publique les relevés de dépenses de son prédécesseur. Et il n'y va pas par quatre chemins pour affirmer que la gestion des Balkany a laissé un trou béant dans les comptes publics. La ville serait même endettée de plusieurs dizaines de millions de francs. L'enjeu pour la nouvelle municipalité est donc de remettre de l'argent dans les caisses avant de se lancer dans tout autre investissement. Mais le grand ménage entrepris par Olivier de Chazeau ne s'arrête pas là. Il va jusqu'à organiser des opérations spectaculaires, comme ici sur le parvis de l'hôtel de ville, pour démontrer le train de vie hors norme de son prédécesseur. Pas d'amateur au-dessus de 48 000, j'adjuge. Adjugé 48 000. 6 véhicules vendus par la municipalité de Levallois-Perret. 48 000 francs pour la R25 limousine V6 Turbo. Une vente qui suscite des discussions chez les administrés. 100 000 km, ça vaut rien. Mais quand il les a achetés, combien qu'il les a payés ? Sauf d'autres, comment ? Oh, allez, discutons pas. Je trouve anormal quand même qu'il y ait 6 limousines en voiture de fonction et un 4x4 en voiture de fonction dans les Hauts-de-Seine. On n'est quand même pas en Guyane française, hein. Et 59 000 francs pour cette Cherokee, plutôt une bonne affaire. Mais le clou de la vente, c'est cette limousine transformée, rallongée de 30 cm, habillage bois, téléphone, console radio, adjugée 110 000 francs ce matin, neuve, elle en avait coûté plus de 500 000. Humiliation publique pour l'ancien seigneur de Levallois, et c'est bien ce ménage dans les comptes qui va déclencher les ennuis judiciaires de la maison Balkany. Le 13 novembre 1995, sur demande du parquet, la police perquisitionne l'hôtel de ville de Levallois. Une trentaine de personnels communaux sont entendus. On découvre alors que trois employés affectés au service information de la mairie semblent en réalité avoir travaillé au service personnel des époux Balkany. L'un d'eux, un employé des services techniques, explique aux policiers avoir été l'homme à tout faire du couple et assure qu'il travaillait exclusivement dans l'appartement des Balkany à Levallois. Puis on découvre qu'un couple d'employés communaux assurait, lui, l'entretien de la résidence secondaire de l'ancien maire à Giverny. coût total pour les Levalloisiens, plus de 800 000 euros. Face à des témoignages accablants et des preuves en marbre, les Balkany passent très vite aux aveux, même si pour eux, ils n'ont fait qu'agir dans l'intérêt de la commune. J'ai toujours considéré qu'ils étaient au service de la commune et que le maire était maire 7 jours sur 7 et je travaillais tous les jours, tout le temps, et j'ai toujours reçu chez moi des chefs d'entreprise, des gens qui ont amené de la richesse dans la commune et j'avais besoin d'être aidé et c'est pour ça que je le faisais tout à fait ouvertement sans m'en cacher. Seulement, face au président du tribunal de Nanterre, lors des audiences, la défense de l'ancien maire ne convainc pas. Qu'en est-il de vos enfants confiés à des employés municipaux et de votre fils, hein, qui a apporté beaucoup de clients à la mairie? Personne n'a jamais vu l'un de ces 3 employés ailleurs que chez vous. Comment justifiez-vous cela? Lui assène le président du tribunal. Les Balkany se terrent dans le silence. Raison sans doute pour laquelle, 6 mois plus tard, en mai 96, le tribunal condamne le couple à 15 mois de prison avec sursis, 30 000 euros d'amende et 2 ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt. Une peine à laquelle s'ajoute celle de la Chambre des comptes d'Île-de-France, qui demande le remboursement à la municipalité de Levallois, par les Balkany, du montant des salaires des employés municipaux liés à sa condamnation. On parle ici de plus de 500 000 euros. Débute alors pour Patrick Balkany une traversée du désert, ou plutôt une mise au vert sous le soleil des Antilles, qui durera 5 ans. Avant qu'un beau jour, monsieur l'ancien maire ne vienne de nouveau frapper aux portes de la mairie. Quand tu m'as croisé cette fois-là, que voyais-tu dans mon regard écru? Tu ne voyais que toi là. Que croyais-tu? Que pensais-tu? Que voulais-tu de moi là? Qui pensais-tu tirer entre deux rues, tirer entre deux beaux draps là? La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. J'ai cru pouvoir le voir moi, j'ai cru pouvoir la saisir en toi. J'ai cru pouvoir le voir moi, j'ai cru pouvoir la saisir en toi. J'ai cru pouvoir le voir moi, j'ai cru pouvoir la saisir en toi. J'ai cru pouvoir le voir moi, j'ai cru pouvoir la saisir en toi. De soir en soir. Je suis revenu et je crois que je manquais à beaucoup de Levalloisiens. Eh bien, ils l'ont prouvé aujourd'hui. Et puis, je crois que ce qu'ils avaient apprécié, c'est d'avoir un vrai maire pendant 12 ans. Et ce qu'ils ont regretté, c'est d'avoir une équipe qui ne se sont absolument pas... Tous les membres de l'équipe ont été, je dois dire, très, très loin des Levalloisiens pendant ces 6 dernières années. Ils ne se sont absolument pas préoccupés des besoins des Levalloisiens. Et aujourd'hui, les Levalloisiens, ils ont envie de retrouver un vrai maire. Ce dimanche 11 mars 2001, c'est un Patrick Balkany tout sourire qui entre par la grande porte de la mairie de Levallois. Ce soir, il est le grand gagnant d'une élection où il se présentait sans étiquette et sans soutien. Une élection pour laquelle son ancien parti, le RPR et aussi l'UDF, le jugeant trop peu fréquentable, avait misé sur un autre cheval, le maire sortant, Olivier de Chazot. Mais ce succès va être de courte durée. Six mois plus tard, en effet, le tribunal administratif de Paris estime que Patrick Balkany était encore inéligible et donc il annule l'élection. Il faut organiser un nouveau scrutin en 2002. En attendant, Balkany a retrouvé également son titre de député des Hauts-de-Seine. Alors, qu'en pensent les Valoisiens à cette époque ? Deux fois de suite, un monsieur a déchiré l'affiche de monsieur de Chazot. Et alors après, il est passé avec la femme de monsieur Balkany. C'est des méthodes de voyous, enfin. Et je vous jure que c'est pas beau à voir. Les caisses étaient vides parce que monsieur Balkany avait fait des dépenses inconsidérées. Monsieur de Chazot remet de l'argent dans les caisses et monsieur Balkany revient. Je suis pas d'accord. Moi, il me plaît beaucoup. Il y en avait bien d'autres qui avaient fait pire et puis qui n'ont pas été punis du tout. Soyons honnêtes, mettons-nous à leur place. Si on pouvait gratouiller 2-3 millions par là, vous croyez qu'on le ferait pas ? Quelques millions, ce sont les sommes que cherche la justice dans une autre affaire, celle des HLM des Hauts-de-Seine. Une intrigue dans laquelle Didier Schuller, l'ancien numéro 2 de Patrick Balkany, a fait financer sa campagne électorale par des entreprises en échange de juteux contrats pour certains des marchés publics de l'office HLM, peinture, plomberie, entretien, chauffage. Une méthode qui n'est pas sans rappeler celle dont avait été accusé Patrick Balkany quand il est devenu maire de Levallois. Poursuivi pour complicité dans l'affaire des HLM des Hauts-de-Seine, mais finalement relaxé, il réussit malgré le climat de soupçons à être réélu député en 2007. C'est bien connu, en politique, tant qu'on respire encore, on n'est jamais mort. À partir de 2008, les Balkany sont confrontés à une autre critique. Celle-là est d'ordre économique. Elle tient à leur gestion de la ville. C'est la Cour des comptes qui pointe du doigt le bilan des finances levalloisiennes. Dette pharaonique, explosion des dépenses, gestion calamiteuse du patrimoine de la ville, les frais d'administration. Les chiffres sont éloquents. Levallois-Perret, commune de 60 000 habitants, est deux fois plus endettée qu'une agglomération comme celle de Lille, par exemple, qui regroupe plus d'un million d'habitants. Il faut dire que dès le début, les volontés expansionnistes du maire bâtisseur ont coûté cher. Terrain bradé à des promoteurs, multiplication des infrastructures communales, investissement dans les projets démentiels, un conservatoire de musique dernier cri, un centre aquatique flambant neuf, par exemple. C'est simple, la ville vit depuis 30 ans au-dessus de ses moyens et rien ne semble être fait pour maîtriser la feuille de route économique et éviter une possible banqueroute. Une situation qui pour autant n'inquiète pas plus que ça le couple Balkany. En 2007, Nicolas Sarkozy est élu président de la République. Pour le couple d'élus de Levallois, ami de longue date du nouveau chef de l'État, l'occasion est trop belle de se placer sous son aile. Ainsi, fait du hasard ou de la providence, la justice ne va plus s'intéresser au couple Balkany entre 2007 et 2012. Monsieur obtient même de son ami Nicolas Sarkozy un passeport diplomatique qui lui permet de voyager en toute sérénité, notamment en Afrique où le maire de Levallois se livre à des activités d'intermédiaire en affaires. Et puis arrive 2012 et l'élection de François Hollande. Dès lors, pour les Balkany, fini le confort et la protection. Et, de fait, la justice se rappelle très vite au bon souvenir du couple d'élus de Levallois. Bis repetita, on les soupçonne d'avoir utilisé nouvelle fois des agents municipaux pour leur usage personnel. Cette fois, ce sont des policiers municipaux qui ont été chargés de jouer les chauffeurs. Devant la caméra du magazine Complément d'enquête, l'un d'eux raconte. Depuis 2005, nous avons des collègues qui sont au nombre de 4, hein, qui sont détachés régulièrement pour être chauffeurs, garde du corps. Tous les soirs, ils ramènent monsieur et madame chez eux à Giverny. Et ils demeurent sur place, ils ont à disposition un studio, ils peuvent dormir sur place. Chauffeur du maire, chauffeur du député, chauffeur de l'homme privé lorsqu'il va chez lui à Giverny, chauffeur du vacancier lorsqu'ils partent sur Saint-Martin. Saint-Martin, île de rêve des mers chaudes, où la justice soupçonne aussi le couple Balkany d'être propriétaire d'une luxueuse villa. Maison qui n'apparaissait alors nulle part dans leur déclaration de patrimoine et dont ils disaient n'être que de simples locataires. C'est sur cette seconde affaire de blanchiment de fraude fiscale et de corruption présumée que la justice enquête depuis 2013 et c'est dans ce dossier que les Balkany vont être mis en examen et qu'ils vont reconnaître une partie des faits qui leur sont reprochés. Saint-Martin, le moulin de Cossy à Giverny, mais aussi le riad d'Arcouchi à Marrakech, autant de sites perquisitionnés puis saisis. Le grand public découvre alors le train de vie et le luxueux patrimoine de ces élus de la République nés une cuillère en argent dans la bouche. De son côté, Isabelle Balkany affirme qu'elle et son mari ont acheté le château de Giverny en 1982, un an avant le premier mandat à Levallois-Perret, et que désormais, ils auraient légué ce patrimoine à leurs enfants. Certes, ce sont bien les enfants des Balkany qui ont l'usufruit de l'impressionnante propriété visitée par les policiers. Mais ce sont bien Isabelle et Patrick Balkany qui y résident à l'année, comme l'attestent les déclarations de leur chauffeur. En matière d'optimisation fiscale, on appelle ça l'astuce de légation. Mais en matière judiciaire, ça s'appelle aussi de la sous-évaluation de patrimoine. Grâce à Tracfin, il apparaît bien vite que les Balkany auraient planqué une partie de leur incroyable magot à l'étranger, à Singapour plus précisément. Sur ses comptes dormirait un peu plus de 5 millions d'euros. De l'argent qui, selon les enquêteurs, proviendrait de commissions sur des transactions opaques en Afrique à une époque où, sous l'ère bienveillante de Nicolas Sarkozy, Patrick Balkany aurait mené de juteuses affaires comme intermédiaire. Des sommes non déclarées au fisc. Mais les Balkany sont également soupçonnés par la justice d'avoir trempé dans d'autres dossiers qui touchent directement leur fonction de responsable politique. Parmi eux, une plainte a été déposée contre X pour favoritisme dans le cadre d'un projet de reconstruction et l'entretien d'un collège à Courbevoie. La justice s'intéresse beaucoup également à Isabelle Balkany, qui était alors vice-présidente du département chargée des affaires sociales. Elle est aussi soupçonnée par la justice d'être inscrite frauduleusement sur les listes électorales de Levallois-Perret. Enfin, le spectre de l'entreprise Big Malion, associé au scandale de fausses factures à l'UMP, semble aussi pointer son nez du côté de Levallois depuis qu'une plainte a été déposée en février 2015 pour détournement de fonds publics. En cause, un contrat de 192 000 euros signé par la mairie de Levallois en 2001 pour conseiller la ville dans sa communication et la refonte de son magazine pendant 2 ans et qui, pour l'association des contribuables de Levallois, ne serait pas justifié. En ce début du mois d'octobre 2015, ce ne sont donc pas moins de 6 enquêtes qui courent autour du couple. Et pourtant, Patrick Balkany, accusé dans 6 dossiers différents et déjà condamné par la justice dans le passé, conserve son poste de député des Hauts-de-Seine et son poste de maire de Levallois qu'il doit occuper jusqu'en 2020. Faut-il y voir dans cette fuite en avant un syndrome Tibéri, par exemple, comme ce fut le cas à Paris ? Est-ce que comme vous avez un excès de vitesse, on vous empêche de conduire ? Si vous avez 8 jours de suspension de permis, eh ben vous n'aurez pas votre permis pendant 8 jours et vous reconduirez après. Et on vous en parlera plus. Eh ben moi c'est pareil. Les Français sont d'abord beaucoup plus intelligents qu'on ne le dit. Et c'est pas parce que vous avez 2 ou 3 juges un peu coincés qui ont décidé que ça c'était pas moral ce que j'avais fait, que ça va les faire changer d'avis. Nous, notre histoire d'amour, elle est pas avec la mairie, elle est avec les Levalloisiens. C'est tout à fait différent. La mairie, ça n'est jamais que la maison de tous les Levalloisiens, c'est pas la nôtre. D'ailleurs, on va y rentrer, si vous voulez bien. Si ça continue comme ça, on devrait être tranquille. On devrait pouvoir plier les Gaules ce soir. Ah, ça, c'était la justice d'en décider. Fais pas. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les Balkany, notre invité Mathieu Delahousse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Rennes, Mathieu Delahousse. Vous êtes journaliste, grand reporter, spécialiste des affaires judiciaires. Vous avez écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle « La chambre des innocents ». Et puis vous avez écrit « Cache-cache, enquête sur l'argent liquide qui circule en France ». Ça, c'était chez Flammarion. Et puis chez Fayard, vous venez de publier « La chambre des coupables ». C'est autre chose, hein. Ça parle des djihadistes français. On en dira quelques mots à la fin de l'interview, si vous le voulez. Alors, depuis la première diffusion de ce numéro d'affaires sensibles, Mathieu Delahousse, consacré au couple Balkany, je rappelle, c'était en octobre 2015, de l'eau est passée sous le pont, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on en est aujourd'hui à la grande explication avec la justice en deux volets donc. La semaine dernière, le tribunal correctionnel a statué sur les accusations de fraude fiscale du couple Balkany. Vous avez assisté au procès, vous avez assisté aux deux procès des Balkany. Quels étaient les chefs d'accusation précis la semaine dernière? De quelle fraude fiscale parle-t-on? Car il faut actualiser, encore une fois, vu que le récit que nous vous avons proposé remonte à octobre 2015. Oui, mais le récit que vous avez proposé est tout à fait complet et on le retrouve, j'allais dire, y compris dans les chansons. Parce que je pense que oui. Balkany, quand ils entendent « l'argent ne fait pas le bonheur », ils ont expliqué, en tout cas Patrick, à la barre du tribunal, que sa philosophie c'était le contraire. Et ce raisonnement qui veut s'en prendre au pisse froid des juges, à ses inspecteurs des impôts qui n'y comprennent rien, ça reste la toile de fond philosophique et cocasse de ce couple. Alors effectivement, cette semaine, on a attaqué le volet le plus difficile, qui est celui le blanchiment de fraude fiscale, les soupçons de corruption, de non-déclaration aux autorités de transparence. Donc on est dans les sociétés offshore, on est dans les soupçons d'arrangement sur les marchés immobiliers avec Al Jaber. Mais la semaine dernière, l'histoire finalement était beaucoup plus simple, puisque c'était les parties de cache-cache des Balkany avec la fraude fiscale. Et ça, tout le monde peut la comprendre, c'est comment ils ont dissimulé leurs biens, avec encore une fois ce qui a été très bien expliqué par les visites immobilières qu'on peut faire de chacun des biens, que ça soit sur l'île de Saint-Martin, à Marrakech ou alors à Giverny, sur des biens qui valent des fortunes et qui sont décrits par Patrick Balkany avec un air de misère à la barre. Il ferait presque tirer l'arme à l'œil de ceux qui ne connaissent pas le dossier. De ce que j'ai lu, la façon dont il a réagi ne l'a certainement pas servi, hein. Non, parce que Patrick Balkany arrive aujourd'hui dans un moment où ce qu'il a fait toute sa vie ne marche plus. Toute sa vie, Patrick Balkany a montré son aisance, sa grande mobilisation au service de Levallois, sa présence effectivement constante, son aide individuelle avec Isabelle qui avait un grand rôle auprès des retraités, des femmes isolées, des gens qui cherchaient du travail à Levallois, des jeunes parents qui n'avaient pas de crèche. Et tout ça, ça marchait bien parce qu'on leur tapait sur l'épaule, on leur disait que la vie municipale marchait bien et c'était le cas. Et qu'en revanche, toutes ces histoires de dossiers ne marchaient pas. Patrick Balkany, dès la semaine dernière, il est rentré dans la salle d'audience. Il a fait un numéro assez humain et sur lequel on peut le comprendre parce que cette partie-là est incontestable sur la tentative de suicide d'Isabelle en date du 1er mai. Mmh. Et ensuite, il a expliqué qu'il n'avait pas d'explication sur la villa Pamplemousse, qui est une villa de luxe et qui présente comme une pauvre cabane qui serait prise par le sable et le sel marin au point que ça soit dans un entretien très difficile. Giverny, ce serait un pauvre moulin ridicule. On a entendu tout à l'heure tout le contraire. Ces explications devant les magistrats ne passent pas, mais ça passe devant personne. Et puis, on voit Patrick Balkany sortir, aller devant les journalistes avec sa voix de extraordinaire, de fumeur de Havane, et devant les journalistes dire, ben vous voyez, je vous ai expliqué, et tout ça, ce n'était que des fariboles et bilvesées. Alors, fariboles et bilvesées, c'était une expression de Xavier Tibéri, parce que je pense que le rapprochement que vous avez fait n'est pas un hasard non plus. Et lui, il parle d'autres expressions, il dit, on vous a fait passer des vessies pour des lanternes, mais simplement, ça ne marche pas. On est dans le couloir d'un tribunal, et la sonnerie reprend. l'audience reprend et les charges sont bien là sur le procès. Patrick Balkany est peut-être aussi conscience que c'est le procès d'une époque, peut-être une époque où auprès des Levalloisiennes et Levalloisiens, ça passait bien, du côté prébande, clientélisme, et puis on l'aimait bien. Et puis voilà, et puis l'impunité, intouchable, toutes ces notions-là, il n'y a pas que Balkany qui s'est perdu dedans, il y en a d'autres. Est-ce que c'est pas le procès qui disait quand même, et qui dit en ce moment, ben voilà, ces pratiques-là, faut que ça cesse, et avec vous ça va cesser, peut-être avec d'autres aussi. Procès d'une époque, non ? C'est totalement ça. Je pense qu'on est dans le procès d'une époque parce qu'il y a eu différents rapports avec l'argent et l'argent liquide, mais c'est aussi le procès de la confusion des genres. Aujourd'hui, quand on rentre en politique, on sait bien que ce n'est pas pour s'enrichir, alors qu'effectivement, c'est un peu le vice et le péché originel d'Isabelle et Patrick quand ils se lancent en politique. Effectivement, tous les deux viennent de familles extrêmement fortunées. Elle, son père a fait fortune dans le caoutchouc. Lui, son père a fait fortune dans le prêt-à-porter. Et effectivement, il n'exclut pas le fait de pouvoir continuer à s'enrichir ou en tout cas à vivre sur un train de vie supérieur à celui de leur revenu d'élu. Donc ça, c'est la première confusion. Et puis la seconde, c'est effectivement de Patrick Balkany, dans la petite interview extraite des reportages que vous avez passé tout à l'heure, je pense qu'il résume totalement l'affaire quand il parle de son emploi du temps. Il dit, vous voyez, moi je m'investissais 7 jours sur 7, jour et nuit, ce qui est une vérité pure et factuelle, mais simplement, on est en République, monsieur Balkany, et c'est pas vous qui faites la loi. Et il estime, Patrick Balkany, que puisqu'il s'engageait beaucoup auprès des Levalloisiens, puisque ceux-ci étaient heureux, effectivement, dans leurs équipements, dans les sports et même dans les drames. Il faut se souvenir, par exemple, que quand des lycéens de Levallois sont frappés par un attentat au Caire, avec une petite Française qui s'appelle Cécile Vanier, qui va être fauchée par la mort, Patrick Balkany va affréter des avions, des autobus, tout faire pour les familles. Et donc, c'est un maire sans doute extraordinaire, sans doute excellent. Peut-être que l'air de Levallois est plus pur. Les caméras vidéo, comme il l'a dit au procès la semaine dernière, sont implantées bien avant qu'elles ne soient implantées partout, y compris par les mairies de gauche. Mm-hmm. Mais ça ne lui donne pas l'impunité, le droit de s'arroger, effectivement, le fait de se dire je vis comme je le souhaite et c'est moi la loi. Et ça risque de finir mal, cette histoire, parce que les réquisitions, on les rappelle, elles sont dures. Elles sont de 4 ans de prison uniquement sur le premier volet, mais en plus, l'affaire n'est pas terminée parce que vous allez voir ce qui va se passer, sauf coup de théâtre dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire puisque le procès a encore 3 semaines de planning, il y a plusieurs choses qui sont notamment de le frapper au portefeuille, et ça c'est loin d'être une expression, puisque pour l'instant Patrick Balkany a été effectivement confisqué de ses biens, mais pour l'instant il peut encore en avoir la jouissance, notamment Giverny. On peut imaginer dans quelques années ce qui s'est passé pour les voitures de Levallois avec les biens immobiliers, c'est-à-dire des ventes aux enchères. Pour récupérer l'argent, on sent bien que l'avocat des impôts, il est présent à l'audience, vous savez, il a une espèce de mémorandum où c'est marqué 13 millions d'euros dessus. Ça, c'est le minimum de ce que le fisc veut récupérer. Et par ailleurs, il y a effectivement deux aspects importants. La prison, 4 ans requis sur ce premier volet avec un mandat de dépôt à l'audience, c'est-à-dire qu'il y a possibilité d'envoyer directement cet homme en prison pour le symbole, pour montrer que les cols blancs sont pas les seuls à échapper à la prison dans le système judiciaire. Et puis, il y a un autre enjeu qui, à mon avis, s'éloigne, mais l'histoire Balkany nous a appris à être prudents, c'est que le parquet national financier a requis 10 ans d'inéligibilité pour Patrick Balkany et 10 ans d'interdiction de gérer une entreprise. Vous l'avez rappelé, il y a des municipales en 2020. Personne dans le petit cercle judiciaire que singe Patrick Balkany n'ose imaginer qu'il puisse être réélu. Mais Levallois est peut-être une terre de surprise. En tout cas, Levallois et son conseil municipal, ça vaut souvent le détour. Il se trouve que notre reporter, Anaël Verzo, en 2015, à l'automne 2015, est allé assister au conseil municipal. C'était le 28 septembre 2015, pour être précis, vous allez l'entendre. Et ça fait écho à ce que vous dites, hein, Mathieu Delahousse, un conseil municipal théâtral avec un public réactif. Conseil municipal à Levallois-Perret. Et c'est assez incroyable la disposition de cette salle de conseil municipal on est un peu comme dans une arène ou comme au théâtre. Je me trouve avec des citoyens spectateurs sur une sorte d'estrade circulaire et au centre, en contrebas, il y a les élus et Patrick Balkany. Je vous remercie. Monsieur Balkany, ayez le courage de démissionner. Madame Hôtel, si vous voulez participer à la construction de demain, il n'y a aucun problème, il suffit de rejoindre notre groupe. Quand on est maire, il faut penser à sa population, à ceux qui ont le plus de mal, les femmes enceintes, les femmes qui ont des bébés, les femmes qui ont des enfants. Il faut penser, aux agents. Pourquoi je le dis ? Parce qu'ils n'ont jamais été bien traités par la gauche. Chacun le sait. Voilà. Parce que j'ai vu comment ils étaient traités quand j'ai repris cette ville après 18 ans de communisme. Là, c'est le vote. Monsieur Courson, c'est vous qui déposez la question orale, je crois, sur la médiathèque Gabriel Péri. Vous pouvez toujours poser la question puisque la réponse a déjà été faite. On ne l'a pas passé, on ne la passera pas, et vous n'avez pas besoin de la lire car vous seriez vous-même attaqué en diffamation par le maire. Je vous remercie. Voilà. Alors, j'ai reçu un vœu de monsieur de Bourson. De l'opposition. Une association lavoisienne dont les travaux ont été repris par les médias a mis au jour l'hypothèse de montage irrégulier dans le cadre d'opérations immobilières gérées par notre ville de Levallois. Nous vous proposons donc la création d'une commission indépendante qui comprendrait des membres du conseil municipal émanant des différents groupes et des personnalités extérieures reconnues pour leurs compétences en matière immobilière et financière. Je vous remercie. Bien, ben, je vous remercie aussi. Est obligé de faire évacuer le public. Je crois que nous avons terminé l'ordre du jour. Rendez-vous au prochain conseil municipal. La séance est levée. Monsieur Balkany ? Monsieur Balkany ? Pour quelle raison vous n'avez toujours pas démissionné ? Monsieur Balkany ? Patrick Balkany s'en va, sans répondre à aucune des questions, aucune réponse. Les policiers qui sortent de la mairie. Et toujours pas de monsieur Balkany qui s'est échappé par une issue souterraine, je crois. Bonjour, vous étiez au conseil municipal, non ? Oui. Oui. C'est assez chaud quand même, non ? Toujours. Oh, c'était calme. Toujours, mais c'était calme. Là. C'était calme. Pour ici, c'est calme. Oui. Balkany a fait certains efforts après le dernier conseil municipal. Mais alors, il y a une pétition, j'ai vu, qui circule, qui demande la démission de M. Balkany. D'après vous, pourquoi est-ce qu'il n'a toujours pas démissionné après, après les poursuites judiciaires ? Parce qu'il est innocent de tout ça ? Vous n'avez pas entendu ? Il est innocent de tout. Avec l'argent de la ville, il attaque toute diffamation. Toutes les attaques sont diffamatoires. Donc pourquoi démissionnerait-il ? Vous habitez tous à Levallois ? Mm-hmm. Oui. Oui. C'est toujours la même boîte qui vient faire les trous dans les rues. Hein ? De toute façon, mais on lit ça dans le canard depuis des années. Les grosses boîtes n'osent même plus venir aux appels d'offres parce qu'elles savent que c'est pas la peine. Les boîtes du BTP. Oui. Depuis 83, le système est bien rodé. D'après vous, pour quelles raisons est-ce que M. Balkany est systématiquement réélu ? C'est-à-dire que dès lors qu'effectivement, chacun peut y trouver son compte parce qu'il va bénéficier d'une place en crèche, d'un cadeau, d'un logement, finalement ça fonctionne pas si mal et donc ça contente une partie de la population. Certes, effectivement, il est réélu, mais avec des taux d'abstention qui vont grandissant d'élection en élection. Voilà, donc une représentativité qui est malgré tout un peu émoussée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Mathieu Delahousse, je ne sais pas ce que ça vous inspire, mais cette ambiance-là, on voit un Balkany assez matamore, des Levalloisiens qui sont presque résignés devant le clientélisme et qui se disent, bah voilà, tant qu'il sera là, ça sera comme ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui avez vu Patrick Balkany dans le prétoire, et là c'est une autre affaire, hein, de l'entendre dans cet autre espace théâtralisé, en tout cas ritualisé, qu'est le conseil municipal? Mais vous savez, ce qui est terrible avec l'affaire Balkany, c'est qu'on a envie d'en rire. Et d'ailleurs, c'est souvent les conversations qu'on a aujourd'hui entre journalistes judiciaires et avec les confrères ou avec les gens qu'on croise. On a envie de raconter ça comme une plaisanterie. Mais le seul problème, c'est qu'on ne peut pas finalement en rire parce que c'est le grand décalage entre la vie quotidienne et nos grands principes démocratiques. Alors ça fait très sérieux et peut-être un petit peu austère de raconter ça. Mais c'est vrai que Patrick Balkany, il a très longtemps su manier ce volet-là, je m'explique. C'est-à-dire que finalement, avoir une vie agréable, avoir des crèches, avoir des entreprises qui font des belles réalisations immobilières, c'est beaucoup mieux dans un sens que de devoir s'interroger sur la moralité des marchés publics, de devoir mettre en concurrence diverses entreprises. Et Patrick Balkany est très très fort. La semaine dernière, devant le tribunal correctionnel de Paris, prend l'exemple de la ville de Paris, avec Vélib, par exemple. Et lui, il dit, ça ne serait jamais arrivé à Levallois, des choses pareilles. Vous vous rendez compte? Enfin, bon, on voit bien ce que c'est. Mais la difficulté, c'est que il faut toujours avoir la maturité et peut-être l'effort sur soi-même de considérer les violations à la probité comme de l'argent qu'on nous prend. Moi, je dis souvent que tous les billets de 500 euros qui étaient dans les poches des peignoirs de Patrick Balkany quand il y a eu les perquisitions ou qu'entre les employés des pressings voisins où les employés du moulin de Giverny ont témoigné, eh bien tous ces billets de 500 euros-là, ce sont des billets qui étaient dans sa poche, qui étaient parfois oubliés au pressing, et ce sont des billets qui n'ont pas permis, si l'on veut faire un peu de macroéconomie, qui n'ont pas permis de financer un poste d'auxiliaire dans une école, un poste d'aide-soignante dans un hôpital, ou filer des ramettes de papier dans les tribunaux qui en manquent tant. Alors ça fait très moraliste de dire ça, mais je pense que le poison de l'affaire Balkany, et c'est très bien raconté par cette soirée qui se termine par des rires au conseil municipal, finalement, le poison de l'affaire Balkany, c'est de le considérer comme une affaire légère, amusante et romanesque, alors que ben, finalement, c'est peut-être les principaux maux de la démocratie qui se sont greffés dans ces affaires-là. Bien sûr, vous n'avez pas raison de parler de démocratie, parce qu'il y a aussi la République, le cadre républicain, qui est synonyme d'égalité des chances, et le clientélisme, lui, est synonyme, et par définition, c'est le contraire de l'égalité des chances. Oui, c'est le contraire de l'égalité des chances, mais le système de le système personnel et la personnalité d'Isabelle et de Patrick ont très bien su jouer avec cette notion. Et c'est ça qui est finalement très intéressant, c'est qu'Isabelle Balkany, elle a une personnalité, elle est journaliste de profession, c'est une grande communicante, elle a été directrice de communication d'une grande radio périphérique, Europe 1, et finalement, elle arrive à embobiner tout le monde, et finalement, la moralité, l'apparence, la jovialité l'emporte encore une fois sur les grands principes qu'on pourrait avoir face au marché public. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a envie d'avoir à l'esprit quand on rentre chez soi, qu'on a envie d'être en sécurité, que ses enfants soient gardés, que ses retraités aient un colis de Noël. Mathieu Delahousse, il reste une minute, je voudrais qu'on évoque votre tout dernier livre que vous signez aujourd'hui à Rennes. Ça s'appelle La Chambre des Coupables, la justice face aux djihadistes français. Et on sait que c'est une problématique compliquée à laquelle doit répondre la justice. Ce livre raconte des faits précis, réels évidemment, j'imagine. Oui, et c'est difficile d'enchaîner les deux sujets qui sont très différents, mais ils ont un point commun, vous savez, c'est la figure du juge dans notre système, dans notre République, c'est souvent un peu caricatural, un petit peu sensationnel, et dans les deux cas, dans les deux présidents du tribunal correctionnel de Paris, pour les terroristes ou alors pour Balkany, ce sont des gens seuls, des juges qui viennent du quotidien et qui doivent finalement s'attaquer dans un premier temps à ce qui sont des mélanges d'affaires d'État, diplomatiques, sociales, tout le terreau que véhicule le djihadisme aujourd'hui, et de l'autre côté, une affaire politique qu'on n'a jamais réussi à régler judiciairement en 30 ans, et ça arrive comme paquets brutaux face à des juges qui doivent régler ça, et c'est vrai que tous les yeux sont braqués sur eux, Patrick Balkany n'est ni dans la chambre des coupables ni dans la chambre des innocents. Il est hors catégorie. Certes, c'est vrai que ça n'a rien à voir, mais enfin, comme c'est le dernier livre que vous avez écrit, que vous signez, je voulais le mentionner. Donc, la chambre des coupables, la justice face aux djihadistes français chez Fayard. Merci infiniment, Mathieu Delamousse. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le dossier Balkany, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci à Ludovic Asselot qui était à la technique aujourd'hui. Puisque nous sommes jeudi, j'en profite pour remercier toute l'équipe d'Affaires Sensibles, rédaction et recherche documentaire cette semaine, Adrien Cara, Héloïse Davio et Guillaume Malandras, attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, comédien Philippe Pirard et Aurélien Labruyère, réalisation Hélène Bizio et Coyen Guyenne.